C'est pas mal la période où c'est le fun de suivre dans le monde du baseball parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs, de nouvelles et ainsi de suite. Il y a évidemment le commissaire hier qui a souhaité encore, c'est un vieux pieu, de raccourcir les matchs. Alexanthopoulos qui a été nommé directeur général des Braves d'Atlanta, également les Blue Jays de Toronto. On en parle avec le collaborateur Marc Griffin. Salut Marc. Salut! Marc, est-ce que c'est un vieux pieu? Parce qu'à quelque part, écoute, en série mondiale, c'est beaucoup trop long, ça, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que, par contre, je voyais une statistique intéressante qui explique en grande partie peut-être que le fait que les matchs sont longs, c'est qu'en 2017, c'est l'année où il y a le plus de retraits sur des prises. Et ça explique en grande partie pourquoi les matchs sont longs aussi, là. Ben oui, parce que le sport a changé. Le sport a changé dans le sens que, bon, rappelez-vous Moneyball. Moneyball, c'était qu'on valorisait le but sur balle. Alors, déjà, les frappeurs ont commencé à être beaucoup plus patients au bâton pour essayer d'aller chercher leur lancer. Après ça, évidemment, tu as eu l'avenue des lanceurs de puissance. Donc, il y a beaucoup plus de lanceurs de puissance aujourd'hui. Ce qui a changé aussi l'attitude en cours de route des frappeurs qui se sont dit, ben, même à deux prises, moi, je vais m'élancer. Pour la clôture, pour les coups de circuit, au lieu de faire contact, mettre la balle en jeu. Fait que le baseball évolue beaucoup, ce qui fait que, oui, les matchs sont un petit peu plus longs, et c'est pas seulement parce qu'il y a des lanceurs qui sont extrêmement lents. Tu as raison de mentionner que le jeu a changé parce que les frappeurs sont beaucoup plus patients. On s'élance de moins en moins sur les premiers tirs. On veut forcer. Il y a même des équipes qui disent, écoute, si on veut sortir le partant le plus tôt possible, là, ben, il va être rendu à une centaine de tirs en 6 manches. Ils n'auront pas le choix de l'enlever. Alors, on est patient, on fait lancer le gars, les gars font des balles fausses. C'est plus rare de voir des présences de 6, 7 puis 8 lancés maintenant. Alors, ça fait sorte que le baseball a changé beaucoup. Par contre, pour garder un certain rythme, moi, je suis d'accord avec le commissaire que il faut trouver des solutions qui vont. C'est pas nécessairement que le match va être moins long, mais que le rythme reste intense, reste bien, reste, tu sais, que le spectateur sent là qu'il n'y a pas de trop de temps mort inutile. Et c'est là que le commissaire veut intervenir à ce niveau-là. La durée du match c'est une chose, mais moi c'est bien plus le rythme du match là qui m'importe là-dessus. Les visites du receveur, limiter ça, mettre à 20 secondes. Mais l'histoire de mettre un cadran, mais ça dénaturerait le sport. Ben moi, je pense que tu sais, c'est une forme d'éducation. On le voit au niveau des rangs mineurs, puis t'as l'impression que là, tu arrives dans le baseball majeur, puis là, les instructeurs de lanceurs qui disent, écoute, ralentis le jeu, prends ton temps. Moi, je pense qu'une forme d'éducation. Tu sais, il y a les puristes là qui vont dire, ben non, tu sais, il y a pas de cadran au baseball, prends ton temps. Moi, je pense que les jeunes lanceurs, de plus en plus, bon, sont éduqués à ce niveau-là, travaillent un petit peu plus rapidement, puis de toute façon, n'importe quel joueur à la défense va vous le dire. C'est pas mal plus agréable de jouer derrière un gars qui a un certain rythme au monticule. Ben C'est oui. pas toujours de lancer 3 balles 2 prises, mais c'est de prendre le 20, puis le 25, puis le 30 secondes entre les tirs. Tu sais, fais le calcul rapide, là. Prends 25 secondes, qui est 5 secondes de plus, là. Et prends 25 secondes fois une centaine de tirs. Tu vas en sauver du temps. Fait que coupe 5, 8 secondes de ça. T'as l'impression là que ton match va avancer un peu plus vite, même si t'as des comptes complets ou des séquences de 6 à 7 lancés. Sur une forme d'éducation, est-ce que ça va changer drastiquement l'an prochain? Peut-être pas. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on éduque un peu plus les lanceurs à travailler avec un rythme qui est plus intéressant pour tout le monde, là. Ben, c'est sûr, mais là, il veut une entente négociée. Penses-tu que ça va se régler avec l'association des joueurs? Penses-tu que ou encore ça va finir qu'on va imposer des règlements? Moi, je tends à pencher vers l'imposition des règles parce que OK. les gens qui sont dans l'association des joueurs, c'est des anciens joueurs. Puis on veut pas, puis on leur a enseigné que tu peux retirer ton pied du rectangle des frappeurs. Puis on veut pas dénaturer le baseball, mais parce que là, je trouve qu'on a exagéré. Moi, je trouve que chez les joueurs, on a exagéré. Tu regardes des matchs là, des années 90, là, les gars sont dans le rectangle des frappeurs, puis ils attendent, puis ils sont prêts. Puis il y a pas de. T'sais, là, c'est rendu qu'il faut ajuster les deux gants de frappeur. Il faut avoir les tics nerveux, puis tout ça. Moi, je pense que le baseball a évolué. Il faut que les joueurs évoluent un petit peu plus là-dedans. Parce que vous savez, les gens qui payent les billets, ben ouais. Les gens là, c'est eux autres qui parlent. Puis lorsque eux autres parlent, il faut les écouter. C'est pas seulement là simplement le fait que tu comprends que on dénature le baseball. Il faut que ce soit plus précis que ça. Je pense que là, les joueurs, faut qu'ils comprennent davantage que les gens qui payent, le message est assez fort. Là. OK. Parle-moi, Marc, aussi Alexandropoulos, une belle nouvelle pour le baseball. Alexandropoulos, qui était un des cinq dirigeants de baseball des Dodgers, c'était un groupe qui était à la tête des Dodgers, et Alexandropoulos qui s'en va à Atlanta, il s'en vient dans un bel environnement, parce que les Braves, quelque part, les Braves, il y a de bons jeunes, et je pense que d'ici un an ou deux, on va être très, très compétitif à Atlanta. Ben moi je suis content pour Alex parce que vous savez je sais qu'il a été très critiqué ben il y a des gens qui ont été emballés par son travail à Toronto, d'autres qui l'ont critiqué parce que il a quand même échangé un certain nombre de joueurs d'avenir. Par contre, il avait un mandat. Paul Beeston qui était le président à l'époque, Paul Beeston avait donné comme mandat là il faut gagner. On est dans la division Est de la Ligue américaine, les Red Sox et les Yankees gagnent constamment. À un moment donné, il fallait faire quelque chose et il l'a fait. Et c'est pour ça que dans les circonstances, Alex Antopoulos a non seulement redonné vie à la franchise des Blue Jays, ben oui. Mais a redonné vie au baseball au Canada en général. Mm. Le baseball a commencé à lever là, lorsque les Blue Jays se sont mis à gagner, se sont mis à faire les séries, à gagner en série. Bon, on n'a pas gagné une série mondiale, mais on a quand même fait vibrer le Canada, selon moi, d'un bout à l'autre en raison des prestations des Jays. Donc, il fallait avoir du cran d'aller chercher Donaldson, puis d'aller chercher David Price, puis Tulowitzki, puis faire la transaction avec les Marlins. C'était impopulaire pour certains parce qu'on échangeait un peu l'avenir. Mais à quelque part, il faut qu'à un moment donné, tu gagnes comme franchise. Il faut que tu trouves le moyen de gagner. Tu sais, si t'es toujours en train de développer, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut que tu finisses par donner espoir aux partisans. Alors, je suis content qu'Alex Antopoulos a l'occasion. Et il arrive dans un contexte unique. Pourquoi je dis unique? Parce que c'est pas que ça allait mal à Atlanta, là. C'est-à-dire qu'on a bâti un réseau de filiales qui est parmi les meilleurs du baseball présentement. C'est parce que dans le contexte où, bon, on s'est fait prendre la main dans le sac là, du côté des dirigeants des Braves d'Atlanta au niveau du dépistage là, international. Ouais. Alors on arrive dans un contexte où on a pratiquement, je l'ai mentionné, le meilleur réseau de filiales du baseball et qu'on arrive dans un nouveau stade. Bon, c'était un nouveau l'année passée. Un contexte où il y a quand même de très bons jeunes joueurs avec l'équipe. Alors, Antopoulos a un tout autre mandat, c'est-à-dire de s'assurer que le développement des joueurs actuels se fasse très bien. Parce que vous savez, en 2013-2014, on parlait des Astros pour 2017. Ouais. Une chose, on peut parler d'ici 3 ans des futurs Braves d'Atlanta qui vont être, selon moi, une des forces dans la Ligue nationale. Est-ce que Sports Illustrated va sortir une chose comme ils l'ont fait en 2014? C'est-tu tapé dans le mille par à peu près? Marc, ouais, puisqu'il est question des Blue Jays, écoute, c'est sûr qu'il n'y a rien qui presse encore, mais on apprenait cette semaine que le dossier de George Donaldson, il n'y a rien, les négociations sont pas commencées. On sait que George Donaldson va être joueur autonome à la fin de l'année 2018. Il a été le meilleur joueur de la Ligue américaine en deuxième moitié de saison. Faut que ce dossier-là soit réglé à l'ouverture du camp d'entraînement, qu'il soit échangé ou pas, mais ou qu'il soit sous contrat. Mais il me semble que ça va devenir une distraction en 2018. Es-tu d'accord? Ah, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il faut régler le cas de Donaldson. Avant le camp d'entraînement. Il reste ou il reste pas. Ouais. Ben, certainement avant le début de la saison. Ouais. Tu sais, pour que... Tu peux bâtir autour de Donaldson, je m'excuse, mais tu peux bâtir autour de ce gars-là sans problème. Tu l'as mentionné, joueur par excellence en deuxième moitié, des grosses saisons auparavant. Il y a quelque chose à faire avec les Jays. On a présentement un bon personnel de lanceurs partant. Tu peux avoir un Donaldson. On s'en va où, là? Ce dossier-là va dicter dans la direction où on s'en va chez les Blue Jays de Toronto. Est-ce qu'on s'en va à... Ben, finalement, la fenêtre est passée, on la referme, puis on s'en va vers... Tu sais, on va aller chercher des jeunes pour Donaldson, ou on attaque encore. Moi, je pense qu'on a le potentiel d'attaquer encore, c'est-à-dire avec le personnel de partant qu'il y a là, Osuna qui pourrait rebondir. Il y a des joueurs, il y a un groupe de joueurs là qui selon moi, est fort intéressant. Moi, j'entourerais Donaldson depuis ben d'aller chercher encore des joueurs de 20 millions. Mais il y a des joueurs présentement dans le baseball, puis on en voit de plus en plus, ce qu'on appelle des joueurs polyvalents, des réservistes de luxe, ou qui sont capables, pour beaucoup moins cher, de faire un travail très, très honnête. Évidemment, qui va jouer au champ droit, qui va jouer au champ gauche, il y a des questions là qu'on n'a pas de réponse en ce moment, mais si tu veux stabiliser, selon moi, ta franchise, il faut que tu mettes sous contrat Donaldson. Tu as tellement raison de dire que si on le met pas sous contrat... On l'échange. Ben, c'est parce que ça va déranger. Ben oui. Les gens vont dire, ouais, mais ils font des millions, puis ils sont capables de... Non, non, ça dérange. Ça dérange les partisans, ça dérange les joueurs dans le vestiaire. Tu veux éviter ce genre de situation-là. Alors, il va falloir que l'organisation prenne une décision. Et si on laisse traîner ça en début de saison, avril, mai, juin, puis que là, whoop, l'équipe va pas bien, ça va déranger. Alors, Donaldson ne perd pas de valeur si tu le mets sous contrat puis tu décides de l'échanger plus tard parce que c'est une saison désastreuse. Tu ne perdras pas une valeur pour ça. Alors, ils ont tout à gagner, selon moi, de le mettre sous contrat avant le début de la saison. Non, mais il peut arriver une blessure, il peut arriver n'importe quoi, puis là, tu perds ta transaction. Ouais, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que tu le signes, tu le mets sous contrat pour les deux, trois, en fait, peut-être pas deux ans parce qu'il ne signera pas deux ans, mais mettons trois ou quatre ans. Ouais. Il ne perd pas sa valeur, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oui, il se blesse. Tu peux quand même l'échanger parce que le gars, justement, tu connais... Bon, évidemment, là, si t'es trouvé de le signer pour 15 ans à 25 millions par année comme un contrat comme Stanton, là, t'es prêt avec. C'est là que ça peut devenir un peu plus difficile. Mais je pense que Donaldson, avec l'âge qu'il a, peut raisonnablement aller chercher un contrat sans être un contrat à très, très long terme. Il peut chercher un bon contrat à 3, 4 ans et aller en chercher un autre par la suite s'il garde, évidemment, la forme physique qu'il a présentement. OK. Il y a des rumeurs qui circulent. Lorenzo Cain serait dans la mire des Blue Jays de Toronto. Ça aurait bien du sens. Lorenzo Cain qui est joueur autonome. Donc, on va suivre ça de près, très, très près. Hey, Marc, à New York, les Yankees n'ont toujours pas d'entraîneur. Es-tu sûr? Il y avait le nom d'Eric Wedge qui est mentionné. Es-tu surpris qu'un gars comme Tony Peña semble pas être un candidat? Tony Peña qui a l'expérience, qui était l'assistant, je pense, Girardi sur le banc. Ouais. Tu surpris? Ben non, je suis pas surpris. Moi, je pense qu'on s'en va vers une direction, vers un jeune gérant. Et je dirais, il y a même le nom de Carlos Beltran, vous imaginez, que j'ai entendu. Là, je trouve que ça serait peut-être un petit peu exagéré. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on cherche le jeune candidat qui est espèce... Le problème de Girardi, clairement, là, si les gens ont lu un peu là-dessus, c'est la communication. Ouais. C'est la communication entre la haute direction et la communication avec ses joueurs qui semblaient faire défaut, parce que je pense que les connaissances de Girardi et au niveau stratégie, il les avait. Alors, on va chercher un jeune que ça fait pas longtemps qu'il est retraité, selon moi. Je suis pas sûr qu'on va aller chercher un gars qui a beaucoup d'expérience. Et ça peut être un ancien Yankees. Où on va avoir un certain contrôle aussi, parce que ça semble être la tendance, hein, où on va aller chercher un gérant où le DG, puis même à la limite le président, peuvent avoir un certain contrôle sur les décisions baseball. Alors lorsque tu vas chercher un jeune gérant qui a moins d'expérience, peut accepter cet aspect que d'autres vétérans n'accepteraient pas à ce moment-là. Alors, je suis pas surpris, mais moi je pense que les gens vont être surpris du nom éventuellement mentionné. C'est un gars, selon moi, qui aura très peu d'expérience, mais qui Est-ce que le nom de Al Pietrighi, qui était l'instructeur de l'équipe 3 des Yankees, qui entre autres qui a formé Aaron Judge, Gary Sanchez, ça pourrait être un bon candidat? Absolument. Il est considéré. Ouais. Et vous savez, New York, c'est New York. Il ouais. Faut que le gérant soit vendeur, faut que le gérant soit... Je connais pas tout à fait ses qualités de communicateur en termes de au niveau des médias, parce que vous savez, à New York, ça devient aussi un aspect très, très important. Est-ce que ça peut être un Jorge Posada, qui est un ancien receveur? Ouais. C'est des noms comme ça, selon moi, qui vont finalement ressortir éventuellement. Et je pense que on devrait le nommer plutôt plus tard, là, éventuellement, pour pas non plus... la machine à rumeurs, la faire aller, puis qu'on puisse se préparer à se concentrer sur le prochain camp d'entraînement également. Là. Oui. Marc, très intéressant, on se reparle une couple de semaines. Pas de problème, au plaisir. Le collaborateur Marc Griffin.